ouvrier, jeune, prostitué, fumeur ou fumeur de drogue, buveur, gens du voyage, SDF. La France ne veut plus de vous. La France ne veut plus de vous. La France ne veut plus de vous. Mes chers compatriotes, notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. Et l'odeur. Et pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire un référendum? Bonne question. Vous écoutez la mix d'Apo MP. Bougez, changez, avancez, avancez. On est une France. Chacun aura sa chance. Vous écoutez la mix d'Apo MP. Aujourd'hui encore, la tension est montée d'un cran. Les policiers ont reçu de nouvelles consignes. Il est maintenant temps en France de sévir. Tolérance zéro. 65% des Français interrogés déclarent favorables au principe de tolérance zéro. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de policiers. Ces fonctionnaires seront affectés au transport en commun, pour qu'on puisse prendre le transport en commun sans avoir peur, et à ce qu'on appelle les brigades anticriminalité, pour qu'on aille chercher les délinquants là où ils se trouvent, et qu'on leur mène la guerre, aux délinquants et aux voyous. Ce cinquième numéro d'appel d'urgence est maintenant terminé. Attention à vos poches et à vos sacs dans le métro. Merci, bonsoir. Monsieur le Président. Check this out. Vous écoutez la mix d'Apo MP? Oui. Oui. Le message... J'ai écouté attentivement... A besoin du débat pour gagner. Le oui a besoin du débat pour gagner. Le oui a besoin du débat pour gagner. Pussy, and then just touch me till I can get my oui. Yes. Écoute la vie populaire. Le oui a besoin du débat pour gagner. Oui, the yes needs a no to win. Depends a no. Oui, the yes needs a no to win. Depends a no. La sécurité n'est certes pas une fatalité. J'espère surtout la surenchère des violences et des agressions. N'importe quoi. N'importe quoi. La sécurité n'est certes pas une fatalité. Bon, on peut se poser des questions. On peut se demander s'il n'y a pas des efforts de redéploiement à faire. C'est une délinquance à la recherche de limites qu'aucune autorité n'a plus voulu faire respecter. Je n'hésite pas à dire que le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité. Vous savez, la naïveté n'est pas une excuse. Excuse. Et même en l'occurrence, c'est une faute. Je serai le président de tous les Français. Je vais mettre tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Compatriotes, je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend. Tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout. Je veux tous les Français. Je veux tout, tout. Je veux tous les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux un état, je veux un état dame, vigoureux, un état dame, impartial, un état dame, vigoureux, un état dame, exigeant, un état dame, vigoureux, un état dame, impartial, un état dame, exigeant. Un état, je serai le président de tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français. Un état qui n'isole pas tout, pas. Vous devriez visiter le site http://www.m-p.org. Je sais qu'il y a même des gens qui voudraient ma place. Mais non. Mais non. Le oui arrive souvent quand on veut aller trop vite. Mais non. Mais non. Écoute le beat populaire. Il nous manque, c'est qu'il bang, il nous balade, il nous fait le son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond et respecte les traditions normandes. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond et respecte les traditions. Il nous manque. Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément. Les hiérarchies sociales sont faites pour être respectées. Que tu sois riche ou pauvre, tu ne dois pas les bafouer. Si tu es un prolo, tu ne dois pas te mêler aux élites de la France qui sont là pour décider. Écoutez ces jérémiades, les clochards dans la rue, ça ne devrait plus exister. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû les expulser. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond et respecte les traditions mystiques. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond et respecte les traditions. Le travail du soir ne t'apporte que des bienfaits. S'il me donne son salaire, je veux bien ses omelettes. Ma famille est un repère à ne pas négliger. Alors tes parents ne les tutoient jamais. Il nous manque. C'est à des faits bien précises qui nous parlent vaguement. Quant à ma patrie, je suis fier d'être français. Le pays du fromage et de David Douillet. Il nous manque. Ce qu'il veut, c'est nous casser purement et simplement. Respecte ses valeurs, tu ne pourras que progresser. On va lui répondre merde poliment mais fermement. Il nous manque si tu votes pour l'UMP. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond, mets ta avec les traditions normales. Il nous manque. Il y a trop des belles paroles, on veut de vrais changements. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond, mais respecte les traditions normales. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond, mais respecte les traditions mystiques. Plus il parle, plus il ment, il se croit au parlement. Foule son à fond, mets ta chemise dans ton pantalon. Foule son à fond, mais respecte les traditions. Je crois qu'on va le croire et gober ça aveuglément. Mets le doigt dans l'œil qui se le met au fondement. Il nous manque. En un an on gagne moins que ses frais de dépassement. Non, oui, non, non, des traditions. Et pas question de ma chemise dans le pantalon. Et raconte au matin tantine dans la jupée. Et raconte au matin watch en libéralité. Avec son flot de promesses, il soulerait un régiment. Il nous parle un peu de fraises, on verra pour l'apaisement. Oui, c'est Mickaël du Pas-de-Calais. Je suis assez choqué d'apprendre que sur France Inter, on est osé dire que les profs ne perdent pas de fric en faisant grève. Moi, je suis prof et je suis dans la merde parce que je me bats depuis 9 ans à peu près contre les projets du gouvernement. Alors ça doit sentir un peu mauvais là, France Inter, hein, parce qu'à force de lécher le cul du gouvernement, il y en a pas mal qui doivent puer de la gueule. Alors c'est un groupe de rap. Ce que je crois que vous voulez monter, c'est que c'est super. J'ai la haine comme Tarzan accroché Filienne. J'ai la haine comme elle la peine carène. J'ai la haine comme la monde citizen. Les citizens, vous me saignez. Parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Et moi je pense qu'elle a, en règle générale, comme les films de la mairie, les mecs et les flics, ils traquent les blacks pour du fric en vrac. Écoutez. Ils attrapent, m'attrapent et patatrac, crac, mac. Non. Ce genre de truc qui frappe ou trip. Quand ça fait ça. What? Yes, right. Talking to me? Yeah, talking to me. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur. Parce que c'est plus que lorsque vous êtes mobilisateur, il est dangereux. J'ai pris des cours de karaté. Grâce au cours de karaté. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande à manière et des choses comme ça. Et la violence te sert à. Rac, mac, tac et patatrac. Je m'en fous, ça monte à la tête. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Regarde les nerfs qui sortent de ma tête. Mais oui, je vois regarde ça. Regarde les nerfs qui sortent de ma tête. Les travailleurs français qui habitent à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière. Et qui voit, sur le palier à côté de son HLM entassé, une famille à pousse, avec un père de famille, 34 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur. Ah pardon, non, toi je te connais. Voilà, je suis de merde. Pardon. Je travaille essentiellement avec les gens du chabit. Pardon. J'ai la haine comme Tarzan accroché Filienne. J'ai la haine comme elle la peine carène. Et j'ai la haine. Vous seriez surpris du nombre de vedettes qui sont possédées par le démon. Moi je prends le pari avec vous, on se met autour d'une table et on règle le problème. Problème. Y'a aucune raison qu'on ne trouve pas de solution. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus de jeunes dans les prisons. Pourquoi? Ben moi je me pose la question. J'ai envie que tout ça, ça s'arrête. Et je dis, on prend le pari, on se retrouve ensemble autour d'une table et on discute. Ils sont fragilisés. C'est d'ailleurs le programme que nous avons développé lors des dernières élections. Mais aujourd'hui, plus raisonnablement, je crois que pour faire son j'aime petit les jeunes. Et ce que je veux leur dire, j'ai envie de vous tendre la main. Venez les jeunes, il y a un atelier couture qui va s'ouvrir à partir du 14 mars. Et ensemble, on va retrouver un peu d'énergie, un peu de bonheur, un peu de... Grandis dans le quartier du Val, fourré, délabré, défavorisé, ben, là, je sais pas. Avec le maire, il nous donnait rien du tout. C'est on faux. A monté les Warriors. La partie va commencer. Elle a écoutez. Commencé la partie. À toi, ça y est. Par Albi, Narafriam, Mendegna, Chavon, Albiya, Nanjifi, Sata, Ungoli, Nanjifi, Sultid, Ela, Raya, Kawa, Bakala, Alek. Eh oui, Rakhoutak, Fajontak, dans ta face, elle classe. Non, j'ai pas la haine. Je crois qu'il faut essayer de réfléchir. J'ai la haine comme Tarzan accroché plus loin. J'ai la haine comme la peine carême. J'ai la haine comme un citizen. Et citizen, zoom, zen. Ah, t'as pas la haine. Non, j'ai pas la haine. Et je veux reconstruire ensemble une nouvelle société. Je veux construire une société avec vous. Je veux qu'on se mette. J'ai pas la haine. Écoute ce que je te dis. Attends, je t'écoute, Jacques. Eh non, y'a rien à faire avec vous. De toute façon, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas des humains. Alors, tiens plus la haine, ouais. Oui, ben fous-toi de ma gueule. Parce que tout à l'heure, je vais te foutre ma main dans la gueule. Et peut-être que tu vas commencer à comprendre. Et lui te chie sur la gueule. Voilà, alors vous voilà. On essaye avec vous de vous donner des chances, des moyens de vous amuser. Et tout de suite, vous cassez, vous foutez la merde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Amen à tout? Non, mais. La société doit être. Vous devez être responsable. On vous donne 9 francs. Et voilà ce que. Avec le. C'est ce que vous faites. Je suis pas content. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Pour tous les Français. Ensemble, nous devons, par notre action, redonner sens aux valeurs de la République. C'est ce que j'appelle remettre la République dans le bon sens. Le baron CDR, je suis pas le seul prêt à le saigner. Son salaire, c'est la rue qui l'a signé. En allant à la selle, j'irai chier sur sa gueule, salaud. J'irai salir son linceul par harcèlement scatou. Sa tête et sa logique au bout d'une pique. Je pisse de joie sur Chirac, Sarkozy et Chirac. Le chic du fric démocratique, du chicken. Quetrick en Irak, on chiquait son tabac avec Ronald McDonald. C'est mathématique, mate les mecs pathétiques sous ma quétatique. La critique non tacite est pratique pour niquer les tactiques. Qui s'agit plein de tactiques pour le les pots de vin dans le froc de la République de mon hook. Fuck l'UMP, l'opposition et ses boules. Fuck l'UMP. Nous faisons des efforts de justice sociale. C'est très important. Croissance et fraternité, c'est ça la politique que je mène. Parce que je le fais avec un vrai désintéressement. Voter escroc pas fâcheux, c'est carrément fâcheux. Quand la droite traditionnelle ne vaut pas mieux que l'extrême. Entraîne deux, c'est douteux, comme Pétain et les cheveux. En d'autres termes, la même trame, les mêmes tresses, leur trame. Mais la masse est trop conne, manipulée par les communicants. Habilités à déblatérer les lébilités. La ligne édite du JT, filtrer la vérité. Limiter la liberté, militer l'UMP. Je ne requiers aucune pitié pour les héritiers. Les défenseurs de l'Elysée, le but étant d'offenser ces élitistes médiatisés. Vise donc la force qui baptise, putain, je suis médiatisé. L'UMP aiguise sa main mise sur l'oseille. Moi j'attise ma ruse et bousille leurs oreilles. Enraye leurs discours de raillerie lucide. Pour Raffarin et ses complices, ce sont c'est de l'acide. Vous écoutez la mixtape UMP et je suis venu discuter, et c'est pour ça qu'on va discuter les yeux dans les yeux. J'espère. Alors ce que je voudrais, c'est que vous embauchiez, monsieur Rapparin, que vous vous allez. Démagogue ! Démagogue ! Y'a beaucoup trop de clichés pour évoquer ce métier qu'on aime pas. Les flics qui se décondèrent, nous, poulet, poulaga. Quelques groupes musicaux, images cultes d'une jeunesse en détresse ont choisi ce créneau pour intégrer le show business. Maniement du micro sans une réelle délicatesse, perpétuant ce malaise avec un flow qui endoctrine quand on parle de la loi et surtout de la Bible marine. Trop de jeunes ont la haine lorsqu'on évoque le mot police. Adieu à love and peace, on prêche plutôt nique la police. Les poils de bois s'hérissent quand il est question de justice. Et moi dans tout ça, contrairement à vous, je crie fièrement vive la police, vive la police. Personne n'a oublié ce fameux slogan populaire CRSSS, histoire d'un duel de titans ayant duré très longtemps entre les forces de l'ordre des milliers de jeunes étudiants. Et à l'époque, j'avoue, j'ai rien vu. Et tous les bouquins écrits là-dessus, j'avoue, je les ai lus. Marqués par tous ces événements, on parle d'évolution constante au sein de la profession et pour les manifestations. Maintenant. Entraînement physique corsé, formation appropriée, nouveaux équipements, mieux adaptés, beaucoup plus légers. Les fameux bus kaki sont tous passés du vert au blanc. Masta, qui a Sarkobo. Il faut nettoyer. Ça sert à rien qu'ils viennent aujourd'hui. Il faut nettoyer. Dans les halls d'immeubles. Viens jouer avec nous. Je vous dis une chose très simple. Dans les halls d'immeubles. On tapera dur. Mais la peur de la répression, la peur de la punition. On tapera dur. Qui viennent aujourd'hui. Non, Non, non, juste un mot, si vous permettez. J'ai passé 2h30 dans cette cité. Viens jouer avec nous. Sur la canicule, j'ai bêté. Débile ! Il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont fait ça. Vous écoutez la mix d'Apo MP. Je chie sur le social. Il m'a demandé de vous présenter ses excuses, ses regrets. Je suis honteux de ce que je fais. J'ai mal. J'ai très mal. En fait, il prend un psychosédatif pour chien. C'est bien. C'est un genre de antidépresseur pour chien. Je vais vous dire, ça marche. Donc on a chacun nos médicaments. C'est le pied. Je suis déchiré tous les jours. On voit bien quelqu'un qui est drogué. Il était pas comme vous et moi. J'ai demandé au ministre des chats, ministre de l'économie, des finances et des croissances, 40 000 contrats en faveur des chats. C'est ma mission. Écoute le beat populaire. Chers amis, je suis venu vous dire aujourd'hui, franchement du plus profond de mon cœur, j'ai besoin de vous. Vous. J'ai besoin de votre force, j'ai besoin de votre enthousiasme, j'ai besoin de votre confiance. Je mets toutes les forces dans l'action du groupe, avec tous les membres du groupe. Mais la force d'un seul homme n'y suffit pas. Nous devons tous ensemble œuvrer pour moderniser notre pays dans la direction indiquée par le président de groupe. Nous avons besoin de ce travail sur la pensée, cette clarification dans nos idées, à la recherche des lumières du monde nouveau. Nous avons, chers amis, devant nous, des sujets très importants et très difficiles. Quand la pensée est confuse en amont, il y a peu de chances que l'action soit claire en aval. La cohérence de notre pensée et de notre action. Yeah, I'm a stand as a man. Vous êtes en mission. Vous qui avec nous porte ce message que la planète aujourd'hui est en danger. Vous, MP, la maison France, qu'affirmer la sécurité comme priorité. Une maison, vous, MP, à trois étages. C'est inacceptable, MP, la modestie. Vous, je le reconnais, sans suffisant. Et d'ailleurs, j'ai vous, même l'intention de continuer. Ni arrogant. Vous, car le bonheur peut être partout, il finit par être nulle part. Vous, recentrez sur ses missions essentielles. Vous, le chef de la famille. Vous, l'esprit de mai, la France est de retour. Menez le combat. Vous, confiance et puissance. Vous, nous avons besoin d'un état fort. Vous, mommy, listen. Au-dessus, cet horizon. Vous, d'abord, vous, franchement, je vous le dis, vous, que la planète aujourd'hui est en danger, vous, et que cette vous, planète aujourd'hui vous, ne pourra pas assumer de l'avenir si nous ne prenons pas tous confiance. Il nous faut faire des efforts, changer les politiques pour protéger cet espace que nous avons en commun pour notre avenir. Oui, il faut faire preuve à la fois d'autorité et aussi d'humanité. Nous accueillerons ceux que nous pouvons accueillir, mais la France a d'autres destinées. Franchement, je vous le dis, nous sommes mobilisés. J'adore les réunions de famille. Notre famille est au complet. Merci, Madame Chirac. Merci. Merci. Vous écoutez la mix d'Apo MP. Thank you. Écoute le beat populaire. Vous écoutez la mix d'Apple MP. Ouais, Paris City, MC Sarko. C'est la réponse à Jaco. Ok, poto, t'as voulu clasher SARKO. T'es dans la merde, tu vas kiffer mon pote si t'as une loi et quelques voix à perdre. Tu t'es caché, t'as peur ou tu te travestis? Pour pas me clasher, c'est dans la chirurgie que t'investis. Eh, hey, bouffon, mon prénom c'est Nicolas. Toi c'est Jacques avec un cul comme le tien fourré par Pasqua. Quoi? 2007, t'essaies de faire quoi, sérieusement? T'auras 124 ans, on t'appelle Jacques Calment. Article 1, jamais traiter Sarko comme un chien. T'as compris, cousin? Article 2, en 2007, moi je serais pas trop vieux. Ça c'est pour toi, mon vieux. T'as vu un peu, MC Sarko? MC Sarko? Eh ouais, MC Sarko. La réponse à Jaco. T'entends? Moi j'attends pas que ça tombe des urnes. Si t'es pas numéro 1 à l'UMP, c'est que t'as rien dans les burnes. Là où j'opère, nombreuses sont les victimes. Que des numéros 1 dans ma team. T'as compris? Écoute le beat populaire. Bientôt dans les bacs à l'UMP. Les rumeurs les plus folles ont couru sur une maladie, une dépression, des situations invraisemblables qui seraient arrivées aux miens. Vous le dire tout de suite, je voudrais rassurer mes amis, je vais bien. Et je voudrais inquiéter mes adversaires, je vais très très bien. Je vais bien. Je vais très très bien. Je demande simplement d'être respecté. Voilà, je ne me plains pas. J'assume. Je vous ai dit ce que j'avais à dire, il n'y a rien de dire de plus. Et en ce qui me concerne, permettez de dire à mes amis que je vais bien et transmettez à mes adversaires que c'est plus préoccupant encore, je vais très très bien. Et malheureusement, nous vivons dans un monde, je ne m'en plains pas, je dis les choses telles qu'elles sont, où tout le monde n'a pas les mêmes scrupules, où tous les coups peuvent être donnés. Et où, pour abattre quelqu'un, on utilise tous les procédés. Je reste serein, je reste calme. Je vais bien. Et je voudrais inquiéter mes adversaires. Je fais cet engagement qui est le mien depuis bien longtemps. Rien ne me détournera de la route que j'ai choisie. Je crois dans mes idées. Alors, autant vous le dire tout de suite. Je voudrais rassurer mes amis. Je vais bien. La seule chose qui m'interroge et qui à mon tour me fait souffrir, c'est quand tout touche à ceux que j'aime le plus. Parce que j'en porte une part de responsabilité puisque je suis le chef de cette petite famille. Je dois les protéger. Et c'est ça, la seule chose qui compte. Pour le reste, je n'ai rien d'autre à dire. Alors, autant vous le dire tout de suite. Je voudrais rassurer mes amis. Je vais bien. Et je voudrais rassurer mes amis, je vais bien. Et je voudrais inquiéter mes adversaires, je vais très très bien. Je peux combattre, je peux me défendre. Est-ce que je dois en dire plus? Je ne le pense pas. Et ma famille a besoin d'un peu de répit. Et je demande simplement que ma famille soit respectée. Moi, je suis un homme politique. Eux pas. Ouais, he's back, he's back. PS1, les Verts 1, Le Pen, je les ai tous mis à l'amende 1. MC Jacques Chirac, c'est trop un massacre, prends-toi une claque. Voilà mon sac, tu veux me tester? Tu veux l'Elysée? Vous écoutez la mixtape MP. Vivre en sécurité, c'est bien sûr être protégé dans sa personne, dans sa famille, dans ses biens. Ce qui est de moins en moins le cas, c'est pouvoir ainsi exercer toutes ses libertés. Mais la sécurité, c'est aussi ne pas risquer la vie de sa famille. Retrouvez MC Jacques Chirac, le président de la République, avec son dernier album « Je te dis sous ta mère ». Hé hé, ouais, MC Rakshi, on vous blesse, c'est la BS, c'est bim bim. Sur le rythme, c'est Chirac, c'est bim bim. Bousillé par la résine. Ne pas craindre pour la santé de ses enfants, pour leur alimentation, pour l'air qui respire. Bim bim. MC Jacques Chirac, en 2007, j'ai dans les bacs. Moi c'est l'UMP, café, crème, rakshi, cappuccino, criminel à l'Elysée. Si t'es pas chez nous, c'est nique le taf, le bise, et puis la justice. Je n'ai jamais. Crac, c'est Jacques Chirac, seul le vol paie. Aucun remords pour Alain Juppé, tu me connais. Alain Jolévent, et à la haine. DJ Sarko n'a qu'à bien se tenir. Pas de compromission possible. Pas de débat possible. Écoute les vies populaires. Il faut avoir le courage de ses convictions. C'est pouvoir la constance. Parce que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National. Et ceci, quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. La pauvreté ne diminue pas. En réalité, elle augmente. Il y a en France plus de 4 millions de gens qui vivent dans une situation de pauvreté. Et le nombre des jeunes qui sont touchés par ce phénomène de pauvreté est un nombre croissant. Nous refusons les solutions simplistes, brutales, qui débouchent toujours, un jour ou l'autre, sur la violence d'État. Vous écoutez la mixtape au MP. Pourriture murs, sur les oreilles, donc tout le monde se fout. Tant pitié, nique la musique, tant pitié. La vérité, mais je comprends, représente la résistance. Fais courir le bruit, je nique la musique de France. C'est pas le 18 juin, mais je réponds à l'appel. Si je rappe, c'est pas grâce au président français. Je la nique là, président couillon et crétin. Président, donc tout le monde se fout, c'est impensable. On nique la musique de France. Liquide les collabos, j'ai mon fusil et ma pelle. De Golko. Pour enterrer ceux qui prêchent le faux. Voilà le temps des maquisards. Nique la musique. On passe balance le rap show. C'est l'heure, il faut se réveiller. La vérité fait courir le fric. La France est un pays. La France est un pays de flics. Qu'à tous les coins de rue, y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public. Qu'ils assassinent impunément. Écoute les vies populaires. Voilà la vérité. France. Si je te donne les faits, rien que les faits, comme sur Arte. Origine qu'un prix, la sociale chômée. Noir, sans espoir. Pour nous, y'a moins de chance. Je baisse pas les bras, mais sur tes principes, je m'assois. Vu que c'est intégration, sinon rien. Pour tout en France, y'a trop de rebeux et trop noirs. Les Champs-Élysées, ça me fout la rage. Moi, je me fous du monde. Et lorsque le FN pousse à la scène un arabe, c'est ça la France. C'est ça la France. Que la France, on vient à la parade. Chacun sa vision. C'est ça la France. Vous écoutez la mix d'Apo MP. Non, non et non. Je ne regrette rien, je ne retire rien. Je ferai ce que j'ai dit et nous aurons les résultats. Ça prendra le temps qu'il faudra. En catimini. Savez-vous quand il sera là? On se rapproche de Monsieur Le Pen. En catimini. Faudrait que je le rappelle à quelle heure. On se rapproche de Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen. Je ne regrette rien. On se rapproche de Monsieur Le Pen. Bah écoutez, faites un effort quand même. Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen. En catimini. Est un mi promotionnel. Vous devriez visiter le site http://www.u-m-p.org. Arrêtons d'opposer l'un à l'autre. Quand les gens ont voté pour Le Pen à 20%, une des choses que je me suis dit, c'est le premier problème qui est entre moi, c'est un problème de sensibilité. On ne sent pas la même chose. On ne sent pas les choses de la même manière. On n'est pas en sympathie. Oh, je prends le mot sympathie au vieux sens du terme. Je fume pâté, on ne sent pas ensemble. On est donc au bord de la guerre. Première réflexion, c'est un prétexte, mais pas une conséquence. Deuxième réflexion, ça sert à masquer une panne d'idées et d'unité. Troisième réflexion, ce n'est pas une démonstration de force, mais un aveu de faiblesse. Nous avons aujourd'hui entre nos mains, nous tous rassemblés ici, l'une des dernières chances de sauver le modèle social français. Le modèle social français. Le modèle social français. Parler d'économie, expliquer l'économie, faire aimer l'économie. L'économie de marché s'entend, car elle seule est capable de favoriser la prospérité qui permet la redistribution. Nous insisterons infatigablement sur l'exigence de performance économique, sans laquelle il ne peut y avoir de solidarité efficace ni de progrès social. Avoir une politique économique favorable aux entreprises, ce n'est pas être antisocial. Ce n'est pas être antisocial. Antisocial. Antisocial. Antisocial. Ce n'est pas antisocial. Ce n'est pas anti-être pas social. Ce n'est être anti-pas social. Être Et on est dans une société absolument suicidaire. Donc, derrière le processus du capitalisme, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qu'un chaos absolu. Donc, moi, je lutte pour éviter l'effondrement du capitalisme. Antisocial. Non pas que je sois pour le capitalisme, c'est pas mon problème. Antisocial. Je suis contre la guerre. Plus performant. Je suis contre la guerre. Parce que plus mince. Je suis contre la guerre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de fourbir des armes, c'est-à-dire de... la tentative de conquérir la libido du consommateur. Plus performant. Son corps, son désir, son affect. Plus mince. Sa sensibilité. Et de le contrôler par là. Et de le soumettre à ce qu'on appelait avec la Boétie une servitude volontaire. Et il faut détruire les savoir-faire locaux, il faut détruire les comportements individuels, les singuliers. Plus performant. Pour pouvoir massifier, hyper-massifier les comportements. Plus avec mince. Les technologies de contrôle. Numérique en particulier, pas seulement. Ceci suppose une fiscalité qui encourage le travail, l'investissement, le risque, l'innovation. Alors, capitalisme ou pas capitalisme, je dirais que je m'en balaye. Mon problème n'est pas de lutter contre le capitalisme, mon problème est de lutter contre son autodestruction. Antisocial, plus performant, parce que plus mince. Écoute le beat populaire. De tout ce qu'on appelle technologie cognitive, technologie culturelle, technologie de l'esprit, toutes ces choses-là. Antisocial, plus performant. Le patronat a trouvé un moyen radical, après avoir pratiqué plusieurs euthanasies, pour régler le problème des retraites. C'est ce que révèle notre confrère, le Canard Enchaîné, dans son édition à paraître ce mercredi. Vous écoutez la mix d'Apo MP. 1, 2, 1, 2, 3. En catimini. Le message impopulaire. En catimini. En veillant à une stricte logique de sécurité. On se rapproche de Monsieur Le Pen. Monsieur Le Pen. En catimini.